La peau est décevante. Crever le sac de peau n'assure pas forcément bonne prise. On n'attrape rien de plus. Tout de même, elle donne bien quelque chose de l'être. Elle est en effet ce qui se déchire, se sépare, se coupe, pour engendrer en un mot la natura ou robe déchirée. Il est d'autant plus bouleversant que l'homme fasse si bon marché de cette peau à laquelle il tient tant. Voilà qu'il s'en défait, pour peu qu'on le lui demande.